En Corée du Sud, selon le journal Minplus, le comité contre la disposition du SAD de Songju a déclaré le 5 août que le gouvernement et le ministère de la Défense doivent retirer le projet au lieu de parler du réexamen de l'endroit de disposition. Par ailleurs, d'après News 1 et News 6, alors que les Sud-Coréens s'opposent plus au déploiement du SAD des États-Unis et de la bande de Bakuni, les spécialistes, y compris Lee Sang-man, professeur de l'Institut du problème de l'Extrême-Orient de l'Université de Gyeongnam et les hommes politiques, ont exprimé leur opposition à la disposition en Corée du Sud du système antimissile américain qui empire le problème de la péninsule coréenne.